Le joyau mange la mule. Le garde d'otage si occupe. En prison d'otage. Le soleil doré. Si notre terre est à suite, Filou, j'ai des loups. je en utilise ma tout. Sous-titrage Société Radio-Canada.